Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruel jusqu'à 4 heures en cette dernière de la saison estivale. Et oui, déjà. Et si c'est la première fois que tu écoutes CISM, mes félicitations. Si c'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd, je te le confirme, je critique les foules. Je suis avec toi et on regarde un spectacle, Crowd. Et j'apprécie ta présence. Ça change toute l'appréciation musicale parce que oui, j'aime bien critiquer les shows de musique quand on est bien entouré, hein. Ça fait la différence, qu'on connaisse les gens ou non. Parce que, ouais, si tu connais tout le monde dans la crowd, ben, t'es très, très, très populaire. Sur ce, ben, écoute, cette semaine... C'est du vieux pis du neuf. On finit bien la saison avec bon spectacle à la Casa del Popolo dans le cadre du Suoni. Alors voilà, Horse Lords que je me suis fait suggérer. Vraiment, je suis heureuse d'avoir fait cette découverte cet été. Sinon, il y avait aussi en spectacle en première partie Corridor et Fern. Et sinon, en fin de semaine, pour tous ceux qui écoutent souvent l'émission, ouais, faudrait que j'arrête de dire jamais. Faut jamais dire jamais. J'ai dit que je pensais pas aller au My Lexan, puis mauvaise réponse, j'y étais. Et j'y étais, mais j'ai assisté qu'à deux spectacles parce que, oui, avec la température, ben, j'étais faite en chocolat. Et sinon, ben, j'ai eu l'occasion de voir Patrick Watson et Godspeed Black You Emperor. Des belles critiques pour terminer la saison. Et ne vous inquiétez pas, ben oui, je serai de retour dès la semaine prochaine pour une cinquième année des surprises, de la magie, de l'enchantement, peut-être du gâteau, mais en onde et à la radio, ce sera plus pratique pour le manger. C'est à suivre. Alors, on va continuer en musique avec une chanson que j'ai écouté beaucoup trop. Oh mon Dieu! Genre, la semaine dernière, je suis virée folle en réécoutant le EP de Amor Blitz qui se retrouve aussi dans le palmarès de CISM avec leur plus récente chanson. Mais j'ai dû l'écouter pendant 2 heures de suite dans l'autobus. C'est pas des blagues. Alors, ma plus belle psychose, peut-être qu'elle m'en a créé une en l'écoutant en répétition, mais elle est excellente et j'avais envie de vous la repartager sur les ondes de CISM. Je voudrais bien, c'est certain, que la détresse porte ton parfum. Et même si tu m'emmerdes à faire semblant que tout baigne, je voudrais bien que tu laisses un baiser humide sur mes lèvres. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous le réécouterez peut-être en loupe, comme j'ai fait ces derniers temps. Amor Blitz, c'est la chanson « Ma plus belle psychose ». Et critique de crowd, ben oui, je vais voir quand même beaucoup de spectacles et l'été est bien chargé. Il se termine tranquillement, pas vite, et je réalise que le mois de septembre, ouf, bien des belles choses. Je fais toujours des suggestions de spectacles à 15h, mais mon Dieu, juste en fin de semaine, Oomph, Wings of Metal. Alors, je comprends crowd quand on a des conflits d'horaires de festival. Et le Suoni Paris Popolo, de son grand nom, parce que je l'ai appelé tantôt le Suoni, ben, il est en même temps que les Franco. Il est plus long parce que c'est du 1er au 24 juin cette année. Oui, c'est 3 semaines en cette 17e édition et c'est toujours aussi long d'une année à l'autre. Effectivement, ça laisse le temps d'aller voir, mon Dieu, une programmation bien chargée. Là, il y a toujours au moins comme une 50aine d'artistes. Et je crois que j'avais surtout envie de prendre le temps de vous en jaser du Suoni parce que autant que c'est une programmation variée dans le sens où c'est local, international, professionnel, amateur, mais surtout dans les genres musicaux, je trouve que c'est vraiment garant de qualité et pour toutes les oreilles curieuses et aussi bien connaisseuses, là, vous êtes toujours des beaux mélomanes, chers auditeurs de la marge. Mais ouais, autant dans le free jazz que le noise, l'électronique, folk, néo-folk, expérimental, spoken word, il y en a pour tous les goûts et on dirait que j'ai envie de redire curiosité parce que dans, mon Dieu, je l'ai conservé avec amour, le petit dépliant avec tous les groupes de la programmation du Suoni. Mais il y a le Suoni hors saison qui comporte quoi, à moins une vingtaine de spectacles à l'année. Et ben, c'est peut-être pour le petit Q que j'ai un peu tardé de vous en parler, parce que oui, ça va... Ben, en tout cas, si la tendance se maintient, le festival va revenir. Mais à l'année... une vingtaine de spectacles, et si vous devenez membre pour 5$, là, il y a d'autres forfaits à différents prix, mais il offre une invitation pour 3 concerts gratuits, et je trouve ça complètement merveilleux comme idée de membership. Je trouve ça incroyablement beau. Alors oui, je... j'ai repris mon dépliant de cet été, puis j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je m'inscrive. Et aussi, quand on va dans les événements, souvent, il y a une table à l'entrée, puis on peut s'inscrire sur place. Mais je trouve ça beau de s'offrir à soi à très peu de coûts de la découverte musicale. Je crois qu'à CISM, c'est ce qu'on pourrait me voir. À Critique de Crowd, ben, je vais voir de tout. Ou presque, j'avoue que c'est toujours à une certaine tangente rock. Oh oui, encore une fois, cette fois-ci, avec Horse Lords. Oui, une merveilleuse découverte que je remercie la Crowd de la marge, parce que c'est Marie-Ève Fortin qui m'a dit « Jolene, je ne peux y être, vas-y pour moi ». Et c'est vraiment un bon spectacle qui était sold out depuis, quand même, ben je sais pas si ça faisait un méchant bout, mais en tout cas, il était annoncé anti-pépère à l'entrée, reporte de la Casa del Popolo, pour être certaine que personne s'aventure en se disant « Mais s'il vous plaît, j'aimerais bien rentrer comme ça, comme si de rien n'était, même si je n'ai pas mon billet ». Non, c'était impossible, il fallait être à l'avance, il fallait être organisé pour aller voir Horse Lord. Et ben écoute, il y a bien des artistes justement qu'on aime à la station qui ont joué au Suoni Paris Popolo. Je pense aux Police des Mœurs, je pense à Un Blonde et je pense à Red Mars. Et on s'en va en écouter avec Infidèle. Yeah. C'est une ordure, il aime la mieux. Il est conscient de ce qu'il se passe. Ce pauvre imbécile. Ah, Red Mass sur les ondes de la marge. La chanson Infidèle se retrouve sur l'album Rouge numéro 2. Et là, la critique de crowd, ben oui, elle s'en va au Casa del Popolo. J'avoue que là, ah mon Dieu, là tu vois, ça va faire 5 ans la semaine prochaine que j'en ai ma station. Et je me rappelle que jadis, je trouvais ça vraiment perturbant d'aller à Casa. Ah! Je me mélangeais toujours entre la Casa puis la Sala. Déjà, c'est des salles qui sont bien investies durant le Suoni Paris-Paul Polo. Et aussi la Vitrola. Mais ouais, mon Dieu, tout ce passage secret, mais plus si secret que ça avec le temps, pour se rendre jusqu'à la salle. Aïe, aïe, aïe. Spectacle sold out dans une... Oui, quand même, la Casa, c'est intime, mais on peut se le dire aussi, là, c'est petit. Alors, une centaine de personnes peut rentrer, puis ça pourrait avoir le sentiment que ça va être squeezé. J'ai pas tant le sentiment. Oui, effectivement, faut avoir la petite bulle bien personnelle moins large qu'à ses habitudes. Mais je crois que j'ai eu plus de difficultés à trouver ma place. J'avais toujours l'impression... c'est drôle, je suis arrivée à l'avance. Fern jouait à 9h40 et c'est pas... j'adore Fern. J'ai fait déjà la critique précédemment. Il jouait au Quai des Brumes. C'est plus le genre de show que, oui, tu vas peut-être hocheter de la tête, petit mouvement de genoux pour apprécier ta musique, mais ce sera pas de gros mouvements. Fait qu'effectivement, même si c'est à l'avance ou non, si t'es pas trop regroupé d'amis ou d'amoureux, ça peut être un peu plus complexe de trouver sa place. Et c'est ça l'affaire! Ah! Ah! J'avais l'impression que je valais la place des blondes. Tu sais, c'est comme, je sais pas, je dis blonde, tu sais, une fille qui va faire pipi, ou genre un garçon qui s'en va s'abreuver, ravitaillement des breuvages, ou l'inverse. Vous aurez compris le principe des déplacements tout à fait normaux qu'il y a dans la foule. Mais j'avais vraiment l'impression que je jouais aux échecs avec très peu de stratégie. J'étais plus en train de... Ouais, pas donner le pion, là. J'étais juste en train de voler des places. Et étrangement, il y avait quand même de l'espace en avant. Puis c'est ça aussi qui est quand même... Tu sais, la Casa, c'est petit, mais en même temps, tu vois tout l'espace, là. C'est assez carré. Fait que, dans ma toute petitesse de taille, je vous avouerais que, ça m'a pris du temps avant de réaliser qu'il y avait de l'espace. Aïe. Mais, je crois que ça... Je parlais des gens dans la crowd. Ben oui, effectivement, je suis allée voir le spectacle toute seule. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir été seule, mais je suis devenue, le temps de l'entracte, la gardienne des verres. Ça me fait quand même, rire, là. Je ne suis pas aux éclats, là, comme vous constatez. Mais... Ça me fait drôle. Tu sais, déjà, le premier truc, quand tu veux garder ton verre parce que t'as peur de la crowd. Ah, pourquoi? Déjà, faut avoir confiance en la foule. Mais ouais, tu sais, comme tu mets le sous-verre sur le dessus de ton verre. Quel truc infaillible, n'est-ce pas? Bon, on concède. Mais sinon, ouais! Tu sais, comme de demander à un pur inconnu ou une pure inconnue de surveiller son verre. J'aime ça parce que je trouve que ça donne foi à l'humanité d'avoir confiance en n'importe qui. Mais je comprends pas pourquoi t'as confiance plus en moi qu'au restant de la foule. Comme, on peut collectivement aussi surveiller ton verre puis se dire que tout va bien. À moins qu'il était genre semi-fini puis que t'as peur la serveuse à part avec! Pis t'es comme ma dernière gorgée! Non! Fait que oui, si tu veux éviter ce genre de malheur pas si dramatique que ça, je peux comprendre que tu veux faire surveiller ton verre. Autrement, je me sens un peu comme... Là, ça va peut-être toucher plus les étudiants, mon commentaire, mais... Tu sais, quand tu vas à la bibliothèque, surtout la Bibliothèque nationale, tu sais, les gens travaillent à l'ordinateur et, à travailler plusieurs heures, oui, tu peux avoir envie de te dégourdir les jambes ou tout simplement aller aux toilettes. Puis quand ils te demandent de surveiller sûrement l'objet de plus grande valeur que t'as à n'importe qui, je me demande encore une fois comment t'as une face trustable pour que ce soit toi puis pas quelqu'un d'autre. C'est juste la proximité physique qui fait que, oui, on est assis un à côté de l'autre, que t'as envie qu'il surveille. Mais ça m'échappe. Reste que, oh mon Dieu, ça m'a vraiment fait divaguer de surveiller des verres. Parce que déjà, j'attends Corridor, ils vont bientôt jouer. Et tout le long du spectacle, à avoir surveillé des verres, j'étais aussi à côté d'un restant. Un restant de drink avec un cornichon. Fait que pour moi, le show de Corridor, olfactivement parlant, ça sentait le pécule tout le long. Et ça sentait aussi les agrumes. Il y avait comme, ouais, des verres qui peuvent avoir traîné. Et dans ma divagation, parce que sûrement le fait que la foule était calme, ça m'a amené un moment d'introversion et un peu, vraiment de pur vagabondage de tête, c'est que je regardais les citrons accrochés sur les verres. Et je me dis que c'est une méchante crowd, les agrumes, mais qui servent si peu. Je me dis la vie complète d'un citron qui a poussé dans un autre pays, qui est allé en camion, puis après ça, il arrive au Québec, qui se fait couper par une serveuse à Casa, met sur le verre, et finalement, pour tous ceux qui les squeeze pas pour le moindre petit jus qu'il y a, il va tout simplement être jeté. Et je me disais, mais quelle existence, qu'est la vie d'un citron pour un drink? Fait que ouais, je vivais, je crois que ça m'a amené, un drôle d'état de d'être dans une foule bien crowdée, attentive, mais aussi qui me porte à surveiller leur verre avec des citrons. Mais oui, quand Corridor est arrivé, on y gardait un petit peu le même mot de mollo. Et oui, je crois que c'était un spectacle agréable, mais avoir entendu parler de Corridor qui ont joué quelques temps, à peine quelques jours, au Pantoum. Moi, paraît-il que plus de bière, plus tard, plus de trash, ou du moins d'énervement, je crois que les gens se préservé? Bof! C'était vraiment, c'était mollo, tu sais. On change de poids d'une jambe à l'autre. On courbe nos petits genoux pour pouvoir un peu dansouiller et même peut-être une petite gêne. Parce que le chanteur, il a dit « Allez, avancez! » Ben oui, la proximité entre l'artiste et la foule, c'est toujours intéressant. Mais aussi parce que là, le monde, il avait l'air tout pogné dans les toilettes. C'est aussi le facteur, ouais, de la casa. Mais fait, c'est très bien de le mentionner. Des fois, ouais, ça nous pousse à agir collectivement de nous inciter à s'approcher, même si ça n'a pas amené des grands mouvements de foule. Quelques personnes qui s'excitent un peu en avant, oui, mais je crois que pour une première fois avoir vu Corridor, j'ai hâte de les voir plus tard. Je crois que c'est plus garant d'énervement et de folie. J'ai en même temps un autre facteur à ce spectacle, c'est que c'était un mercredi. Peut-être que la foule de Horse Lords, je sais pas, ils sont mollo dans la trentaine, petit show de semaine, j'aimerais ça va me coucher trop tard. Mais ouais, un show le mercredi, c'est quand même au milieu de la semaine pour tout le monde. Fait que je sais pas à quel point ça affecte notre concentration, notre énervement dans la foule, notre intérêt. Tu sais, t'as acheté le billet pis il est sold out. Il y a clairement pas des gens qui viennent juste jaser. Là. On est là pour assister au spectacle. C'est à suivre. Et justement, tant qu'à les aimer, ils sont dans le palmarès, et tant qu'à, ben oui, en parler, autant les écouter Corridor avec la chanson Le Grand Écart, qui se retrouve sur leur plus récent album. We'll be right back. Corridor sur les ondes de la marge. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Ben oui, qui était au spectacle de Fern Corridor et Us Lords, groupe de Baltimore. Ben ouais, puis c'est un mélange, mon Dieu, de d'afrobeat puis de crowd. C'est vraiment, j'allais dire, c'est... J'en parle les mots parce que moi, là, je critique la foule et toutes les dénominations pour les genres musicaux, des fois, peut m'échapper parce que, oui, c'est tout un orchestre Us Lords, puis, mon Dieu, c'est quand même assez, oui, partie improvisée, puis je crois que les gens vont, entre autres, pour l'expérience, doivent de juste filer la musique, mais aussi d'apprécier leur virtuosité et, oui, juste, ouais, de voir comment ils vont être sur scène parce qu'ils sont très, on va dire qu'eux-mêmes sont bien transis, bien concentrés sur leur musique. Puis évidemment, non, on n'est pas dans ce genre de tune avec un refrain et un couplet. Alors, il y a de quoi se laisser emporter par la musique. Oui, oui, je l'ai mentionné, c'est quand même assez mollo comme spectacle. Mais particulièrement au centre, c'est quand même drôle. Au centre, là, ça bouge pas d'un poil. Et il y a, oh mon Dieu, il y a même quelqu'un qui était en manque de bouchons parce qu'il s'était mis ses doigts dans ses oreilles. Sur ce, toujours plus de bouchons dans la vie. Il devrait en avoir toujours dans toutes les salles, mais achetez-en en ayant toujours plus et plus. Donnez-en. Allez, soyons généreux contre l'acouphène. Mais pendant qu'il y en avait qui géraient mal la quantité sonore, il y avait particulièrement un fan que... Ah, que j'ai... Mais sauf que c'est... Ben, je dis un fan parce que peut-être qu'il était tout simplement enthousiaste par la musique, mais... Non, ouais, je sais pas, j'ai pas jasé. Mais tout ça pour vous dire que ce gars-là, c'était soit un hardcore fini fan, ou c'était vraiment quelqu'un qui s'est laissé prendre physiquement par la musique, mais dans les deux cas, ce que je trouvais le plus beau, parce que c'était tout en contraste avec la foule, c'était justement cette belle liberté-là, cette expression. Tu sais, le Ben, il fait pas vraiment de pause. La plupart des chansons durent une dizaine de minutes sur leur album. Fait que, non, disons que ton appréciation, tu vas pas tant le faire par des applaudissements parce que ça va être moins fréquent, mais de... d'être vraiment headbang, quand même, ouais, tu sais, quand même énervé, mais rien de très métallique, là, il remue pas ses cheveux, de toute façon, ils avaient pas très très longs, là, il était plutôt comme dans une espèce de tonicité du corps et de relâchement, qui était toujours en alternance, fait qu'à chaque fois, il était comme, oh, ça, on dirait qu'il danse comme tout mou, puis après ça, il est tout enthousiaste et tout, tout crispé, tout dedans, il suivait beaucoup le rythme des percussions, et en même temps, il avait l'air de drôlement triper sur le saxophone, là, tu sais, air saxo ou juste comme mieux filer cet instrument-là. Et peut-être que c'est le fait qu'il soit plus sur le côté, qu'il avait un peu plus d'espace que d'autres gens dans la foule. Mais ouais, quelques personnes qui pouvaient ouais, un peu plus gesticuler, un peu plus ouais, filer la musique physiquement à côté. Parce qu'au centre, comme je vous dis, ça bouge pas d'un poil. Mais pour moi, que rester bien tranquille à surveiller les verres et à précédemment me poser bien des questions sur les citrons, ces milliers de citrons qui servent dans nos verres. Ben, j'ai été aussi follement emportée par la musique. Vraiment, tu fais juste comme... tu fais juste suivre comme leur trip, puis c'est ça qui est aussi agréable dans ce genre de spectacle-là. Comme ça se peut comme le fan, ça vient de te chercher super fort physiquement, puis que t'as envie genre de le sortir. Mais ça se peut aussi que ça soit une appréciation plus introvertif. Et dans les deux cas, étant donné la musicalité, je trouve que les deux c'est possible. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Alors j'en parle, puis je me trouve super ingrate parce que je viens de vous dire que la plupart des tunes de Us Lords, ils durent quand même. Ils durent quand même un certain moment, mais étrangement, c'est vraiment en alternance. Là, ils ont des tunes super longues, des super courtes. Là, fait que j'en passe une super courte, mais je vous invite plutôt, à aller découvrir leur discographie parce que, ouais, vaut mieux une écoute complète des albums. Ouais, c'est pour ça que je dis que je me sens ingrate parce que deux minutes, je trouve que c'est pas suffisant. Alors, allons-y gaiement avec All That Is Solid sur les ondes de la marge. Yeah.

comme c'est agréable d'entendre du Voivode sur les ondes de la marge. Et oui, vous avez entendu Corps étranger. Vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene et Voivode. Ah, ils vont être en spectacle dans le cadre de Wings of Metal. C'est la toute dernière édition du festival. Je crois que c'est l'occasion de le visiter. S'il reste des billets, oh mon Dieu, ça m'a toujours fasciné à quel point ils partaient vite. Les catacombes, c'est peut-être pas grand, mais quand même, parce que la programmation est très, très nichée. Justement, c'est le genre de festival qui peut amener des gens d'un peu partout dans le monde jusqu'à Montréal. Alors, d'où ma fascination pour Wings of Metal. Mais ça se terminera en fin de semaine. Aïe, aïe, aïe. Sinon, ce soir, ça commence. Il y aura, entre autres, des groupes canadiens et un groupe mexicain. Et si mon anglais roche, imagine mon espagnol. Alors, Xibalba, It Says, et sinon il y aura Occult Burial, Freeways et Muertos. Le lendemain, vendredi, Sacrifice, Varatron, un groupe de Grèce, Communion, un groupe du Chili, Slot Vomit, des Américains, et il y aura tout plein d'autres groupes. Et ce soir, allons-y en ordre de la semaine, parce que oui, peut-être que tu as déjà ton billet, je te le souhaite. Descendants au MTLUS, faut-il pratiquer et arrêter de dire Metropolis? C'est à suivre. Sinon, ce soir, il y a aussi le lancement d'album de Mon Doux Seigneur au La Tulipe. Vraiment, c'est un gros jeudi parce qu'il y a aussi le festival Oomph qui commence, entre autres, dans la prog OBGMS, que je vous ai déjà fait la critique du Rap Pop Montréal, un groupe qui aime beaucoup animer la foule, mais ils font toujours la même chose de spectacle en spectacle. Va les voir et me confirme-moi qu'ils répètent encore la même chose. Ou sinon, je vais peut-être faire un petit tour si le temps m'adonne. Et sinon, Golf aussi, j'avais vu en première partie de Poop, bien intéressant. Il va y avoir aussi les Deluxe, Anemone, Fred Fortin, Baby. Vous allez voir toute la prog de Oomph. Il y a bien du spectacle. Oh! C'est ce soir aussi. Mon Dieu, je te dis, c'est une grosse soirée. Il y a le projet X. Et c'est un projet de conférence et festival citoyen. Et mon Dieu, c'est bien agréable de faire des beaux shout-outs aux gens de la station parce que celui qui s'est occupé des choix musicaux de la scène extérieure et nul autre que Maxime Dabit m'écrit et ses goûts musicaux sont fort pertinents. Alors vous aurez l'occasion de voir ce soir La Bronze, Yuri Menantras, Wizard, Black Bambi, Odile Myrtil, qui l'a eu en entrevue la semaine dernière si je me trompe pas, et Radiant Baby. Ah oui, ça vaut vraiment vraiment la peine, Radiant Baby là, je sais pas il passe à quelle heure, mais je vous le suggère fortement avec ses néons en forme d'escargot là. Alors voilà pour ce soir. Sinon, demain, vendredi et samedi, c'est le festival Ancient Future au Quai de l'Horloge, deuxième édition. Si vous y allez, je suis bien curieuse de savoir comment ça se déroule pour une nouvelle année. Et vendredi, on vient encore dans le passé, Jolene. Samedi, je t'ai passé du Voivode, c'est pas pour rien, parce qu'ils vont jouer aux catacombes dans le cadre de Wings of Metal, comme je vous ai parlé. Et c'est honnêtement un de mes shows préférés, voir Voivode aussi près. C'est beau. Alors, j'espère qu'il reste des billets. Garochez-vous, Voivode aux catacombes, ça vaut la peine, c'est assuré. Dimanche, Vanille va jouer au Quai des Brumes. Lundi quoi? Et je vous ai parlé du changement de nom du Metropolis. Ben, c'est pas pour rien parce que mardi prochain, il va y avoir le concert de réouverture. Alors, petit changement. Allons voir la différence, mais surtout il y a un spectacle de Radio avec Trouble Called Red et d'autres artistes. Mercredi, Bernardino Feminelli sera dans le cadre de Pop Montréal. C'est à suivre. Pop Montréal a tellement une grande programmation, mais j'ai entendu dire que Bernardino est assez fou en spectacle. Et si vous, encore une fois, si vous allez voir des spectacles, je suis toujours heureuse de vos commentaires. Ça me dirige toujours dans mes choix crowdiens. Alors si vous voulez aller le voir, Bernardino, il va être au Piccolo Rialto. Et mercredi, avant, là, fais un tour au lancement de prog automnal de CISM. Ah, ben oui, des beaux animateurs en chair et en os, c'est pas juste en onde, seront au Vinyl Shop. Alors, 5 à 7, soyez-y, j'y serai. Et de bonne heure, peux-tu croire? Oui, oui, de bonne heure. Sur ça, on va continuer en musique avec le palmarès francophone de la marge, Durcoeur et Half-Bake. Thank you. Voilà, beau bike de Half Bake. Et vous avez aussi entendu Dur Cœur, Assez, c'est assez! Et pour d'autres chansons du palmarès francophone, CISM893.ca est une adresse à consulter, à consulter! Sinon, ben écoute, t'écoutes toujours Critique de Crowd et... Je vous ai dit la semaine dernière complètement l'opposé de ce qui s'est passé. Je vous ai dit je pense pas aller voir le Milex End, tout nouveau festival qui se passe sur la rue Marmier et Henri Julien, et ça se passe surtout en dessous du viaduc Van Horn, et c'était samedi et dimanche dernier, toute la journée là, ça commence à midi mais ça finit pas si tard là, je crois que Godspeed ont commencé à 9h30, un peu dépassé. Ben oui. Alors là, déjà, première confession, je ne suis pas allée la première journée là où il faisait beau, chaud. Et que, oui, à voir, j'ai quand même zioté sur les internets quelques photos. Et ça m'avait l'air bien, bien familial, très convivial, oui. Oui, ça avait l'air fort sympathique, mais jour de pluie, et c'est bien là que je me suis pointée. J'avoue que... Deuxième confession, ouais. Mais je suis pas arrivée de bonne heure parce que humidité, pluie, bof. Ouais, vraiment, c'est des raisons assez mauvaises pour manquer autant de bonne musique. Parce que Kid Koala, je l'ai vu en spectacle et c'est lui qui ouvrait les festivités du Milex End. Ah! Oh mon Dieu, il a fait un mini-train avec des enfants! Ah! C'est tellement la plus belle activité crowding qu'il peut avoir dans un festival qui... Je peux pas comme le dire tel quel parce que c'est marqué nulle part, ni sur leur site, ni sur leur Facebook, mais on voit complètement la volonté de rendre l'événement accessible aux familles, attrayant pour les enfants. Il y avait un gros jeu de poche, des mini-tables à pique-nique. Je sais pas à quel point c'était très commode là pour les poussettes, changer les enfants, mais au moins d'avoir cet esprit familial et pouvoir intéresser les enfants, parce qu'après ça debout pendant une journée complète, ça peut peut-être fatiguer des petits mollets de petits enfants. Fait que ouais, quand même. Et pour les curieux, c'est pas la première fois qu'il y a un événement qui se passe sous le viaduc Van Horn. En 2015, il y avait eu par la même équipe de production les soirées VHS, c'était une fois par mois les vendredi. Et oui, on peut sentir la volonté de certains Montréalais d'investir des lieux non traditionnels, mais aussi certaines parties de Montréal qui peuvent avoir l'air, ouais, un peu, j'allais dire glauque, là, mais quand même, tu sais, c'est très bétonné, très industriel. C'est peut-être pas la place la plus chaleureuse, mais pour y installer un festival, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et je suis assez heureuse. C'est sûr que la pluie n'aide pas, là, et c'est dur des fois de tout prévoir en cas de pluie, et encore plus à une première édition. Mais ouais, je suis heureuse d'avoir fait mon tour là-bas, même si j'ai peut-être un petit sentiment comme Oshiaguesque, comme je sais pas. Je trouvais que c'était beaucoup une programmation c'est cool. Ben oui, ça pogne, ils sont beaux, on les aime. Et en même temps, c'est vraiment, on dirait, je me sens juste de mauvaise foi. Pourquoi gâcher son plaisir, Jolene? J'en ai aucune idée. Alors c'est pour cette raison-là que j'ai eu... oui, quand même, je suis chanceuse, je suis bien heureuse d'avoir vu Patrick Watson et Godspeed You Black Emperor, parce que je me suis pointée juste à la fin de la journée. Oui, effectivement, c'est un petit peu moins familial parce que les petits bébés, ils devaient être couchés. Par contre, ça a éveillé beaucoup de choses en moi, Godspeed, parce que ils sont, mon Dieu, quel maître incontesté, là, je veux dire. C'est le nom du post-rock et ils viennent d'ici. La programmation aussi est très montréalaise, très diversifiée, très paritaire, homme-femme, mais Godspeed, venez me chercher. Je me suis dit, faut que je les voie une fois dans ma vie. Puis en même temps, ça me gossait à cause... C'est drôle que le festival s'appelle Milex End, parce que ça me rappelait juste mon ex. Et je me dis que, même si c'est une anecdote bien personnelle, oh là là, la crowd, je sens que tu vas te retrouver peut-être dans mon anecdote. C'est à suivre. On va écouter justement des gens d'armes qui étaient de la prog et qu'on a hâte d'entendre de leur chanson, des nouvelles, Monde Audet et Lydia Kepinski. Thank you. se lève trop tôt sans sommeil, comme le corbeau. Tu cries dans le ciel des phrases sans mots, comme toujours je pars, mais comme tu me pardonnes, me mettras-tu au clou, au fond du caniveau, ou juste à part? Suis-je la lueur dans le trou noir, ou une nouvelle corde à ton cou, avant que l'on ne s'écarte, que l'on ne se dénoue? J'ai besoin de ça. Daudet et Lydia Kepinski, qui étaient toutes les deux de la programmation de Mylexand. Et, ben oui, Mylexand, quel a donc, ça s'appelle Mylexand. Ah, j'ai plus qu'à le dire parce que ça me fait juste penser à mon ex. Puis, c'est parce que ça m'a fait penser, tu sais, les couples, vous en connaissez sûrement un, je peux pas croire. Moi, j'en ai un en tête, puis, c'est le genre de couple qu'il y avait une toune. Tu sais, ils ont une toune qu'ils aiment beaucoup, là. C'est genre, c'est la première fois qu'on s'est embrassé. Ah, c'est la première fois qu'on s'est rencontré, puis il y avait la toune qui passait dans le bar. Et depuis ce temps-là, ben, à chaque fois qu'elle repasse, je pense à nous et on l'écoute ensemble, main dans la main, avec une chandelle, et on est heureux. Bon, vous voyez que je juge un peu beaucoup, parce que je trouve ça un peu quétaine. Et, veux pas, la vie, le cours des choses font en sorte que des fois, les couples, ça t'offre pas. Fait que ta fameuse toune, un peu, romantico, couple et tout, ben, peut devenir aussi source de pleurs et de nostalgie sans fin quand tu gères pas tes émotions. Fait que ce qui a été très, très cute peut avoir été très, très désolant. Et là, vous allez me dire peut-être que tu es rempli de hargne, Jolène, parce que c'est justement ton cas. Non, c'est drôle parce que avec un ancien copain, on partageait zéro notre musique, puis ah, tu sais, déjà animé à la radio, puis aimer la musique, j'aimais, tu sais, je veux dire, j'ai toujours aimé ce qui se passait au Québec, puis il jugeait beaucoup le fait que j'aimais des bands locaux comme si c'était pas si gros que ça. Et c'est drôle parce que Godspeed, c'est un band montréalais, et dans son cas, tu sais, il trippait ces trucs un peu incontestable. Tu sais, tu vois, sur genre Leonard Cohen, Bob Dylan et Godspeed You, Black Emperor. Et vraiment beaucoup sur Godspeed. Ce qui a comme fait un frein sur mon appréciation musicale du groupe. J'ai tout le temps comme fait, c'est gosse avec Godspeed. Tu sais, juste comme, c'est le meilleur groupe au monde, point. Et ne t'ostine pas, point. Fait que c'est vrai que ça a vraiment fait un frein. Mais je savais que c'était un de ses groupes préférés et... Ben oui, ils ont quand même fait une longue pause. Alors, avant qu'ils fassent un spectacle, tu sais, mon Dieu, j'étais plus avec, mais ils ont fait un show comme le 18-19 Metropolis en 2014. Puis ça faisait quand même un bout qu'ils n'avaient pas joué. Même à Québec, ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas joué avant 2014. Fait que, ouais, une pause bien marquée. Et pour faire ma cute, une fois, j'y avais comme, ben ouais, cute, mais pas tant. Tu sais, pour sa fête, j'ai proposé des billets, mais que Godspeed, ça, se remettre à faire des spectacles. Et moi, je trouvais que c'était vraiment une bonne intention. J'étais comme, ah, il aime full le groupe, puis mec, ça arrive, tu sais, je vais avoir les billets, puis ça va être malade. Mais non! Il m'a fait comme, voyons, finalement, tu me fais pas de cadeau, tu sais, c'est comme si tu me donnes, c'est comme si tu m'offrais des billets pour un band séparé, genre, c'est quoi la possibilité qu'il y ait des shows bientôt? Puis le pire dans tout ça, là, dans l'anecdote, c'est que 6 mois plus tard, il était justement au Metropolis. J'étais comme, ah! Ah, je le savais! Tu sais, le moment que t'as envie de rappeler ton ex pour juste lui dire « Je le savais! Je savais qu'elle est en spectacle, Godspeed! Dans les dents! Dans les dents! » Fait que, bref, je ne suis pas allée ni au Metropolis, ni dernièrement les spectacles qu'ils ont fait à l'église Paradoxe. Je crois que ça vaut la peine d'y voir à l'intérieur parce que je reste encore un peu pas comme pleinement satisfaite de mon expérience à l'extérieur, mais Milexend m'aura permis de de défaire oui cette barrière psychologique de c'est son band puis c'est son band puis moi hein, je trippe pas autant fait que j'ai rien compris. Ah, il y avait une certaine dose d'amertume dans mon appréciation de Godspeed. À vrai dire, c'est comme si je peux pas l'écouter pleinement et entièrement. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler, cher auditeur de la marge. C'est que je suis persuadée qu'il y a des groupes qui, émotivement, pour des raisons un peu poches, on peut pas les apprécier pleinement. Et oui, c'est vrai que c'est nono, mais tant mieux quand ça passe. Les groupes appartiennent à tout le monde, même si t'es le fan numéro 1, même si t'es quand même sur la guest list de tout leur spectacle. Non, tous les groupes appartiennent à tout le monde. Alors sur ce, ben oui, c'était la première date de leur tournée pour Luciferien Tower. Ouais, je le dis avec un gros accent québécois. Mais si vous avez l'occasion d'être en France, en Belgique, en Angleterre ou en Allemagne, ben écoute, ce sera ton automne parce que tu pourras les voir en spectacle. Et d'ici le temps que je vais vous diffuser du Godspeed. Ah! J'avais vraiment envie de rendre hommage à ce moment qui m'est bien marquant, celle d'apprécier le ben d'un ex. Les Connies ont la chanson Flavie ne m'aime pas et le volume était au maximum. On a aussi une chanson un peu dédiée pour des ex avec la chanson Cathy ne m'aime pas. Flavie ne m'aime pas. Qui parle autant aux garçons, elle fait ce qu'elle a envie. Toujours agréable d'entendre. Le volume était au maximum. C'était dur de choisir une chanson parce qu'il les adresse toutes à des... Ah! Il y a aussi Nadine, ne m'aime pas, mais mon Dieu, qu'il y a des chansons amour, rupture, elle s'est mariée. Alors, pour toutes vos circonstances romantiques... Et voilà, vous avez juste à écouter toute la discographie du volume était au maximum et vous serez satisfait. Sinon, vous avez aussi entendu les Connies. Et moi, je m'en vais bien voir Malexand. Je m'en vais dans le coin de Rosemont. Ben oui, métro Rosemont. C'était tout à fait proche. Et je sais pas si c'est le soir, je sais pas si c'est parce que c'était tard, mais j'ai été assez perdue. Sur le site, là, au début, quand je suis arrivée pour Patrick Watson, puis là, tu sais, comme je voulais trouver la scène principale, puis c'est peut-être, encore une fois, je le rementionne, mais ça a quand même une importance dans la crowd, le fait d'être grand ou petit. Je sais pas c'est quoi être grand. C'est sûrement que ça doit être gênant de savoir que tu peux cacher du monde. Enfin, ouais, ça peut amener ce petit lot-là de désagréments. Mais en tant que petite, j'ai eu l'impression d'avancer. Oui, c'était jour de pluie, mais de complètement avancer dans le brouillard. Mais dans le brouillard dans ma tête. Parce que j'arrive, je suis les indications, je suis la flèche. Je m'en vais jusqu'à la scène où notre beau Pat, il s'en va. Et bien, il chante déjà. Oui, j'étais pas à l'heure. Mais là, écoute, c'était vraiment dans le coin du viaduc. Fait que la première chose que je vois, c'est sa chorale. Puis elle est plutôt statique. Puis là, déjà, je suis comme... Voyons, c'est-tu des fantômes? C'est-tu des figurants? C'est-tu comme du monde qui existe pour de vrai? Ou c'est des mannequins en plastique? Sérieux, je voyais mal de loin. Et je voyais pas très bien, point. Fait que j'étais un peu confuse. Puis ça m'a pris sûrement... C'est ridicule, là. Je sais pas si c'est le site. Je trouve ça vraiment enchanteur que ça se passe en dessous du viaduc Van Horn. Mais en même temps, genre, ça m'a pris comme 10 minutes avant de réaliser. Il était où, le stage? Je sais que c'est aussi dû à mon retard, mais je trouve ça tellement ridicule comme situation. J'étais comme, mais voyons, c'est là que c'est indiqué. Ah, puis aussi, il chantait comme vraiment sur le béton là, du viaduc et en angle avec la scène. C'est sûr, c'est les scènes, tu sais, je sais pas, mais c'est standardisé, tu sais, c'est grand de façon... sinon, la hauteur est égale comme d'habitude, là. Vous me comprenez, crowd, là. Il y a pas une scène surélevée ou plus particulièrement basse que d'habitude. J'ai l'impression que c'est vraiment l'espace qui faisait en sorte que ça pouvait, donner une mauvaise vue plus facilement à des gens. Parce qu'il y avait une autre scène qui était complètement sur le stationnement, à côté du viaduc, là, où il y a eu Godspeed. Puis, ben, c'est plutôt difficile de mal voir. Tu peux juste voir, ben, de loin. Ouais, ou peut-être être caché par quelques personnes, encore une fois, si t'es petit ou grand. Mais autrement, vraiment, la vue était plus aisée. Tandis que là, mon Dieu, ça fait, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrivait, je me sentais perdue. J'étais comme, voyons donc. Par contre, j'entendais très bien. C'était l'occasion d'utiliser différents sens. Les sens comme l'odorat. Oh, ça sentait la boucane qui va bientôt être légalisée et la vanille vapoteuse va. Et sinon, ouais, de la vraie boucane qu'il y a eu sur scène. Très beau jeu d'éclairage. Oui, c'est juste ça que je voyais de ma hauteur. Aïe, aïe, aïe. Mais je peux le confirmer, si la vue ne m'était pas au rendez-vous, le son était de qualité, alors c'était agréable. C'est peut-être juste que la foule était difficile à traverser, à vrai dire, impossible. Je me suis peut-être rendue comme milieu de la crowd. Ça dépendait juste des familles, des couples qui s'en allaient. Ça, je le mentionne comme le lot. Tu sais, comme beaucoup de monde, c'était des batchs de personnes qui partaient pour se faire une place. Puis c'est ça qui est drôle, les gens se déplaçaient pas tant, fait qu'il y avait parfois des trous dans la crowd qui, ouais, tu sais, genre, pour, ouais, les gens étaient bien à leur place, ou peut-être que c'est la pluie, leur poncho en plastique qui colle, ou genre, pas dérangé avec ton parapluie qui faisait en sorte que les gens se déplaçaient pas beaucoup. Ils étaient peut-être bien à leur place, mais je vous le dis, moi-même, il y a des gens, genre, autour de moi, je l'ai entendu dire, voyons, je vois rien, mais au moins, je suis pas tout seul, là, tu sais, sur le coup, je me suis demandé si j'étais, ben ouais, si c'était juste le fait que je sois petite, j'aurais compris, tu sais, j'aurais accepté la situation. Mais non. Par contre, quand je dis qu'elle bouge pas beaucoup, effectivement, Patrick Watson, tu t'en vas pas de temps t'énerver en allant en allant voir un de ces spectacles, là, j'avoue. Mais ouais, je pourrais pas dire le comportement d'une famille, mais il y avait beaucoup de comportements de couple. Ouais, c'était très mignon. Je sais pas, comme je vous ai parlé tantôt de la toune que t'as en couple. Peut-être qu'il y en a que c'est Patrick Watson, puis il me semble que ça fitterait que ça soit votre toune de couple. Mais beaucoup de petits bisous, des petits bisous dans le cou, petits bisous là sur la tempe. Tu sais, pas un bec sur la bouche là, un petit bisou. Pas juste sa joue là, sa pommette, petit bisou. Petit bisou là, mais vraiment là comme sur le côté là de ta tête là, dépasser la tempe, entre tout ça là avant que tu pognes des cheveux. C'était d'une cutitude profonde là, j'étais comme vous l'attendriez. Je voyais rien, fait que j'avais le temps de checker la crowd s'aimait, tu sais. Il y avait un couple, j'allais dire mot énervé, là, puis ce serait un peu impossible, là, mais tu sais, comme, il faisait une espèce de petite valse, une petite valse sur place, et certains mouvements de main, comme s'ils entremêlaient leurs doigts. C'était très, c'était comme une danse de mains et de doigts. Il y avait quelque chose d'ésotérique. Je sais pas s'il incantait des esprits ou amenait les dieux de l'amour, mais c'était fort charmant comme petite danse. On dirait que j'assume pas tant là, une danse de main, ok, mais en même temps c'était les seuls qui bougeaient vraiment là. Autrement on a plus affaire à une crowd, je sais pas, tu sais, qui se colle des épaules, tu sais, t'es le plus petit, le plus grand il s'appuie sur les épaules de l'autre. C'est comme ça que tu apprécies ton Patrick. Sauf pour le gars, ouais, peut-être que c'est la solitude qui l'a amené à sa flasque, mais il y avait un gars en calotte qui buvait une flasque de fort. Lui, pareil, tu sais, par rapport au reste de la crowd, vraiment mollo. Tu sais, c'est subtil comme tout, comme mouvement, mais quand même, je me suis dit, oh, ça détonne, puis je trouve qu'il rock trop au genre un show de Patrick Watson, genre, j'ai besoin d'avoir mon fort pour écouter Watson. Pourquoi pas? Par contre, à part lui, là, vraiment, j'ai trouvé que c'était une crowd sage, pas rebelle, ou qui a pas l'ombre de Ouistiti, parce que, tu sais, il y a ben du béton, ben des places où on pourrait comme grimper, puis s'asseoir, puis voir comme du monde. Ouais, moi, je crois que s'il y avait eu quelques pas gênés, sûrement je me serais pas gênée et tout. Mais il y avait comme des clôtures, il y avait comme tout, mon Dieu, les espèces de palettes qu'ils mettaient pour les amplificateurs, ça aurait été une très bonne place pour s'asseoir. Et ça m'amène à la question, la caméra qui volait au-dessus de la foule, elle servait à quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'écran. Fait que je sais pas à quoi ils ont servi ces vidéos-là. J'ai vu quelques vidéos par la suite promotionnelles, mais c'était-tu juste pour ça? Mystère, mais espérons que pour l'année prochaine, s'ils gardent la même disposition qui est, oui, intéressante, mais peut-être pas pertinente pour toute la crowd. Un écran serait pas de tort. Peut-être sommes-nous rendus paresseux. Peut-être, en tant que crowd, on a des habitudes élevées puisque c'est devenu une norme, c'est plate. Ouais, je trouve ça plate. Je préférerais être plus proche du Ben que de checker un écran. Je fais jamais ça. Mais là, ça m'a un peu manqué parce que je voyais rien. Fait que pendant que je vois rien, on va aller écouter Patrick Watson, mais qu'il est plutôt en compagnie parce que c'est un featuring. Restez muet de l'album de Ludovic Alari. Non, Ludovic Alari n'est pas devenu si noisy que ça. C'est plutôt Godspeed. C'est à suivre sur les ondes de La Marge. Sur tes shorts, de tout ce qui sert. Sans nous laisse tomber, voyant plus le vide devant soi, pensant être perdu à jamais. Où tu t'es posé. de tout ce qui tient à cœur. Tu nous laisses tomber, ne voyant plus que le vide devant toi, pensant être perdu à jamais, où tu t'es. oui, la maladie de Malajube. On dirait une chanson de moi à moi, tout simplement parce que Patrick Watson, je l'ai connu, ben oui, à la même époque que Malajube, et lui avec son album Close to Paradise. Il m'a, oui, c'est un album qui me charme encore aujourd'hui. Sinon, et my God, bien rapidement, critique de Crowd pour Godspeed. Bien rapidement, mais en même temps, c'est le genre de Crowd que tu peux pas te dire, ah oh, mon Dieu, qu'il se passe mille affaires! Les gens sont assez debout, et en plus, il se passe pas grand chose, puis en plus il y a la clôture qui sépare en deux la foule. Ça n'aura pas d'incidence, là, je suis assez persuadée, malgré j'ai eu quand même quelques commentaires de Godspeed comme quoi des fois les gens peuvent être complètement couchés par terre, ou des fois il peut avoir quand même certaines envolées, de là à dire trash, mais semble que je me suis fait raconter ça. Oui, mais bon, vu que ce n'est que des oui-dire, je peux pas le confirmer. C'est pour ça que je suis curieuse de les voir en salle. Je sais, c'était il y a pas si longtemps, fallait que j'y aille. Ah, la prochaine fois. Mais pendant que la foule est debout, oh oui, elle écoute, oh oui. Il y avait une fille qui dansait un peu plus que la moyenne des gens. Peut-être même pas un peu trop, parce que me semble qu'elle était dans le beat, et dépendamment les envolées musicales, c'est vrai qu'il peut avoir un certain emballement, mais elle détonnait de la foule parce que non, vraiment, les gens sont debout, puis check le show, puis c'est tout. Et encore une fois, avec la longueur des compositions, t'applaudis pas souvent, alors c'est encore plus calme dans la foule. Et on dirait que ça laisse pas place à la jasette. Il y en avait pas trop. C'est drôle parce que durant Patrick Watson, tu sais, il y en avait un peu, puis les gens faisaient des gros yeux, mais c'est zéro efficace comme technique de faire des gros yeux. C'est pas si menaçant que ça. Mais non, pas la peine d'avoir des gros yeux pour Godspeed. Peut-être le volume était assez fort pour enterrer tout le monde, mais non, surtout une grande attention. Et j'ai, en me promenant un peu dans la foule, se promener, c'est comme un grand mot, là, parce que tout le monde est calme, tout le monde est posé, tout le monde est à l'écoute, sensible. Et oui, j'ai trouvé de la crowd assis sur leur sac, parce que tu sais, il y avait mouillé le plancher, que sais-je, la garnate à terre était trempe. Mais oui, il y a des gens qui sont permis de vers le coin un peu avant le VIP, ou du moins une place protégée, là, une tente, mais des gens couchés ou assis sur leur sac. Et ouais, j'ai apprécié, c'est encore une fois, cette liberté de mouvement-là, parce que autrement, critique de crowd n'aurait aucun commentaire à vous dire sur la foule que c'était le fun, le spectacle, mais c'est rien passé. Je crois que ça me confirme pour un c'est à suivre pour Godspeed. C'est à suivre. On va aller en réécouter un peu. Je vous ai donné un léger extrait tout à l'heure. Alors, je vous laisse avec du Godspeed. Et sur ce, je m'appelle Jolaine Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Et oui, je suis bien heureuse aussi de revenir là semaine prochaine pour déjà 5 ans. Alors, apprécions la musique, et pour tout commentaire, écoute, les internets sont là pour ça. Allez, bye bye. À l'étobrasserie, il y a toujours de la bonne musique. Mais jamais trop forte!